Vad för fota hittar mer till ton curé? Va niquer ta mère, espèce de putain de porc d'enfoiré. Fils de pute de cul, we'll be right back. d'un salon de montage, j'ai demandé que mon bonnet de nuit soit légèrement amidonné. Vous appelez ça de la chicorée. Vous appelez ça une déclaration de revenus. Vous appelez ça un super ordinateur. Vous n'êtes que... Vous allez la fermer, ouais. On va bien dormir.

Thank you.

check it up, come on, say it loud, check it up, come on, say it loud, check it up, come on, say it loud, check it up, come on, say it loud, check it up, come on, say it loud, check it up, come on, ein bisschen hier und da kommt ein bisschen da, yo ha. Ça contamine. Mais non. C'est pas bon pour le cerveau. Tu as compris maintenant? Enfoiré. Jette ton cerveau à la poubelle, merde. Et achète-toi dans un œuf. Yeah.